Le photographe ne partage pas les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaye de faire rentrer la baigneuse de Trouville. Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui a fait croire que c'était une cabine de bain. Le photographe jette un peignoir éponge sur les épaules de la baigneuse. Elle rentre dans l'appareil en sautillant et en envoyant des baisers. Bravo, bravo, bravo, bis, bravo, bravo, bis. Encore, si je savais d'avance les surprises que me réserve mon appareil détraqué, je pourrais organiser un spectacle. Mais là, je tremble chaque fois que je prononce les maudites paroles. Sait-on jamais ce qui peut sortir? Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Bravo! Bravo! Oh, bravo! Bravo! Bravo! Mesdames, messieurs, malgré mon vif désir de vous satisfaire, la limite d'heure m'empêche de vous présenter une seconde fois le numéro « Baigneuse de Trouville ». Oh, si, si, si, si, si, si. Le photographe ment pour arranger les choses et pour avoir du succès. Il regarde sa montre. Déjà 2 heures, et cette autruche qui ne rentre pas. La noce forme un autre tableau. Le marié, une main sur son cœur, tient de l'autre la taille de la mariée. La famille se range derrière. Le général abrite ses yeux et inspecte le sud. Il se croit le défenseur de la tour Eiffel. Si on l'attaque, il fera mourir chacun à son poste. Le beau-père va parler. Que dit-il ? Allons, allons, monsieur le photographe, dépêchez-vous. Cette photographie sera un souvenir pour le fils de mon gendre. La mariée parle. La fille, la fille! Nous voulons une fille! Le photographe profite du désordre pour essayer de prendre une photographie instantanée. L'appareil refuse et lance de l'eau de Cologne. Allons, prenez l'air naturel. Madame, votre pied gauche sur un désep. Assez! Assez! La noce se bouche les oreilles. Le directeur de la tour Eiffel se précipite et pousse le diaphragme. Madame, votre pied gauche sur un des éperons. Monsieur, accrochez le voile à votre moustache. Parfait. Ne bougeons plus. 1, 2, 3. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Il presse la poire. Sort un gros enfant. Il porte une couronne de papier vert sur la tête, sous les bras des livres de prix et une corbeille. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oh, voilà encore un des dangers de la photographie. Cet enfant est le portrait de la noce. Du reste, écoutez-la. C'est le portrait de sa mère. C'est le portrait de son père. C'est le portrait de sa grand-mère. C'est le portrait de son grand-père. Il a la bouche de notre côté. Il a les yeux d'une autre. Mes chers parents, en ce beau jour, acceptez tous mes vœux de respect et d'amour. Le même compliment vu sous un autre aspect. Acceptez tous mes vœux d'amour et de respect. Il aurait pu apprendre un compliment moins court. Acceptez tous mes vœux de respect et d'amour. Il sera capitaine. Architecte. Boxeur. Poète. Président de la République. C'est un brave petit bonhomme. Que cherche-t-il dans son panier? Des balles. Que fait-il avec ces balles? On dirait qu'il prépare un mauvais coup. Il massacre la noce. Il massacre les siens pour avoir des macarons. L'enfant bombarde la noce qui s'effondre en criant. Ah! On pense au mal que nous avons eu à l'élever. C'est un sacrifice. Misérable! Je suis ton père! Arrête! Il en est temps encore. N'auras-tu pas pitié de tes grands-parents? N'auras-tu pas le respect du galon? Pont! Pont! Pont! Je te pardonne. soit maudit. Il ne reste plus de balles. La noce est massacrée. Le photographe court après l'enfant. Il le menace du fouet. Il lui ordonne de rentrer dans la boîte. L'enfant se sauve. Il hurle, il trépigne. Il veut vivre sa vie. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Mais quel est cet autre tapage ? Le directeur de la tour Eiffel, que dit-il ? Un peu de silence, s'il vous plaît. Ne faites pas peur aux dépêches. Oh, papa ! Oh, papa ! Des dépêches ! Oh. Il y en a de grosses. La noce se relève. On entendrait voler une mouche. Le directeur de la tour Eiffel montre au petit garçon comment il accroche un journal mort au milieu de la tour Eiffel pour attirer les dépêches vivantes. Je les ai ! Les dépêches prises tombent en scène et se débattent. Toute la noce court après et leur saute dessus. Hein, j'en tiens oh, une ! Oh, j'en ai une ! J'en tiens ah, une ! Moi ! Au secours, moi aussi ! Moi ah, elle m'a mordu ! Ah, tenez bon oh, oh. Les dépêches se calment. Elles se rangent sur une ligne. La plus belle s'avance et fait le salut militaire. Mais qui donc êtes-vous ? Je suis la dépêche sans fil. Et comme ma sœur, la cigogne, j'arrive de New York. New York ! Ville des amoureuses et des contre-jeux ! En avant la musique !